Mais non, j'ai bien dû grandir, enfin mieux pour reconnaître un rêve comme un rêve. Déjà, je suis prêt pour mourir, par son critique de ma vie. On me voit, tu les crois, un grand être. Je demande si ce qu'il y a de sang, essayer de changer la vraie vie pour un rêve. Je demande avec cette chanson, si ce qu'il y a de son dans les dessins qui font le secret. Mais non, je viens d'y grandir. Enfin mieux pour reconnaître un rêve comme rêvé. Déjà, je suis prêt pour mourir, personne critique ma vie, on me voit un grand être. Je demande, c'est ce qu'il y a de son, essayer de songer la vraie vie pour un rêve. Je demande, avec cette chanson, c'est ce qu'il y a de son, dans les dessins qui font les êtres.